ta chamba motalou, monte si ska moule rein. Si ska li en femme moule go. Warete mon apaka pa warete, si gili mon mobisa, si gili amour. Quand la musique a fait donne-moi raison, balancé sans visa sous les ondes. Quand ma tête couba, tu es dans les mots. Warete mon apaka pa warete, si gili mon mobisa, si gili amour. Si qu'il est moi, mon bisa, si qu'il y a moi.